ma vie, j'ai connu des malhonnêtes et des gens bien, des gens qui pensent te connaître et finalement ne connaissent rien. Mais combien dans la détresse sont désormais seuls, isolés, sans amis à qui confier les erreurs du passé. La race humaine se propage, cherche ce qu'on appelle la terre et moi la cage, obligé de s'intégrer dans cette supposée liberté. Je me vois vivre comme un homme tout à l'écart de ces histoires qui me donnent la nausée et le cafard. Vite dans ma tête, j'attends mon heure, quand certains la font venir plus rapidement que les rumeurs. Car la vie peut des fois finir en désastre, et combien dès la naissance on le teint coulera. Qu'un destin déjà tassé par la douleur, la peine, tous les contrastes du malheur. Face à mes semblables dans les regards, je vois ce noir profond qui revendique la haine, ne me prend pas pour un con. De trois pattes, te cherche pas, j'ai mes raisons. La violence et mes assauts pour bien combattre sont mes armes de protection. Cette frénésie venant des ravages familiaux se dessine sur les visages, et pour beaucoup le passo, on choisit les traits de rage. Cause de qui tous ces défauts, cette étoile m'a condamné, je ne peux rien faire, même pas la détourner. M'affliger la mort, mais c'est la solution, car je sais bien que ça tardant sur les ponts, les ruelles élèvent elles comme horizon. Résident dans cette zone, il faut du courage, ton salaire sera le monde qui se trouve dans le passage. Au destin, que vas-tu me réserver, ne me tue pas. Les problèmes et les conflits, mais comprends, je ne veux pas devenir un être mélancolique, détruit par le sort d'un avenir à l'allure diabolique. Laisse mon âme en paix, je serai cet angélique aux valeurs fondamentales, bienveillante et charitable, que l'on retrouve dans les femmes. Mon amour, ma compassion pour ces vies anéanties que je vois au fil du temps sans connaître ce qui m'est prédit. Je le sais, mais ça fait mal de voir toutes ces rafales de vie gâchées, le cœur vide et des sentiments dissipés. Pour beaucoup, l'espoir est mort et tombe dans la fatalité. Se referme à temps de la chute qui, celle-ci, est assurée. La vie est dure, injuste, et dans les récits de ces vies, nombreux sont les ratures. Quand on lit tous ces coups durs, le destin choisit ses proies, misère, malheur aux veines, impuissant devant la spiritualité. Nous sommes tous à la quête de la vérité, la création et la divinité. Le destin, la force, impossible à éviter.